Le journal du futur. C'est la rentrée, et comme à chaque rentrée, les syndicats historiques sortent leur formule de rentrée. Avec cette année une nouveauté, en partenariat avec la SNCF et la préfecture de police, l'intersyndicale vous propose le package rentrée sociale. Grève, manifestation avec ou sans gazage, le menu est au choix. Comptez un léger supplément pour l'option casseur de banlieue. Attention tout de même, si vous n'êtes pas un habitué des packages rentrée sociale, suite à l'introduction il y a 2 ans des armes de contrôle de foule à micro-ondes, il est formellement déconseillé de porter des objets métalliques ou des chats humides. Manque de flexibilité, coûts trop élevés, autant de raisons qui poussent souvent les chefs d'entreprise à quitter notre pays pour des cieux plus cléments. Mais les syndicats n'échappent pas à la règle. Ainsi, la CFDT, toujours à la pointe du progrès social, a décidé de se délocaliser en Chine. Laurent Chérec, le secrétaire national de la CFDT, nous explique les motivations de ce choix audacieux. C'est vrai qu'on est arrivé à un moment critique de l'histoire de la CFDT, avec de gros problèmes structurels. On a des militants trop rigides qui vivent dans le passé. C'est plus gérable, il faut vivre avec son temps. L'intérêt de cette délocalisation, c'est que si on décide d'une grève ou d'une manifestation, cela ne portera pas préjudice à l'économie française. Et de plus, si la manifestation, par exemple, se déroule en Chine, le facteur déstabilisation sera très faible. Il est vrai, bon, que le taux de mortalité risque de grimper, mais vous savez, en Asie, la vie humaine n'a pas la même valeur. C'est pas cher. Apparemment, les négociations entre la CFDT et le gouvernement chinois sont bien avancées, malgré les critiques d'une partie des militants qui craignent de passer encore un peu plus pour le syndicat gouvernemental. Réponse du porte-parole de la mouvance syndiquée mais réaliste, John Blair, il faut savoir être pragmatique. Nous savons très bien que la question de liberté syndicale est une question difficile en Chine. Et c'est pour chacun à décider si il vaut mieux avoir un syndicat officiel ou bien pas du tout de syndicat, parce que ça semble être le choix aujourd'hui. La biométrie, c'est bien, mais ce n'est pas parfait. Certes, l'implantation de puces d'identification sous la peau a énormément facilité le travail des administrations, mais pas nécessairement celui de la police. Les agents ont bien été équipés d'ordinateurs de poignet permettant de lire les informations contenues dans les puces, mais cette avancée technologique se heurte au problème grandissant de l'illettrisme dans les forces de l'ordre, incapables d'utiliser ces appareils. Fort heureusement, la société BioIcon a trouvé le remède avec un nouvel appareil dont seront prochainement équipés les policiers déjà enthousiastes. Ah ben pour moi c'est génial! Plus de lettres, plus de trucs compliqués. Là, il y a un système d'icônes en 3D, par exemple, pour un juif. J'ai là, hop, une étoile jaune, là, de David Jaune, vous voyez, ça tourne. Et pour ces petits enculés d'islamo-fascistes, un croissant vert. En termes de code couleur, je vous dis, on s'y retrouve. Ça permet des interventions rapides et efficaces. EDF, une nouvelle fois en pointe pour lutter contre le réchauffement climatique. Cible des critiques des associations de défense de l'environnement, le géant panaméen de l'énergie contre-attaque avec un plan novateur. Combattre le réchauffement de la planète par l'hiver nucléaire. 56 centrales de 6e génération localisées sur l'équateur seront placées en surchauffe dès ce soir. EDF affirme pouvoir régler le problème en 2 heures. Faut-il relancer les guerres de religion? C'est le thème de la conférence intercroyance qui se tient toute la semaine à Varsovie. Les conseils d'administration des différentes religions chrétiennes vont se pencher sur cette proposition polonaise. Objectif, booster un secteur d'activité qui marque le pas depuis quelques années. Un dossier préparé par Ignace Dos Santos. Oui, le 21e siècle est religieux, mais pas assez, au goût des actionnaires de la Jesus Christ Corporated. Les fonds de pension indiens sont déçus par le rendement à un chiffre de la firme, bien loin des 25% de bénéfices annuels espérés lors de son rachat à la pakistanaise Mahomet United. Du coup, le PDG de Christ Corporated change de stratégie. Partant du constat que ferveur religieuse et choc des civilisations sont intimement liés, le nouveau mot d'ordre de l'entreprise est « à bas le consensus ». Gérard Lefebvre, porte-parole de Christ Corporated. Jusqu'à présent, on a échangé pas mal de politesse pour dire « nous sommes tous d'accord, nous sommes pour la paix dans le monde, nous sommes tous frères ». Il faut qu'on arrive à une phase de sujet de désaccord. Une première phase qui devrait permettre rapidement de faire monter la tension entre les différentes communautés religieuses. Avant la phase active, proprement dite, tout est prêt, d'autant que sur le terrain, les équipes de la Christ Corporated sont déjà au travail. Des commandos évangéliques ont été envoyés en Arabie Saoudite. Le commandant de la section, Saint-Pierre, nous décrit l'opération. Ce sont des groupes qui sont composés de 50 à 150 caravanes et qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ à ceux qui ne connaissent pas la bonne parole de Jésus. Pendant cette semaine, c'est assez varié. Tous les fidèles seront présents sous notre grand chapiteau, une grande cathédrale de toile immense, avec des réunions de prière le matin de 8h à 10h, l'après-midi, une réunion d'évangélisation, et le soir, grande soirée aussi sous le chapiteau, et à 22h30, réunion pour notre jeunesse. Avec cette nouvelle stratégie marketing, la Chris Corporated espère bien récupérer ses parts de marché et même dépasser ses concurrents de la Baptiste Limited, aujourd'hui leader sur le marché des croisades. L'Académie française a délivré aujourd'hui sa mise à jour des termes racistes sémantiquement acceptables. Ainsi, ce que l'on appelait au début du siècle « clash des civilisations », puis « divorce des cultures », puis « séparation à l'amiable des identités », puis « ignorance polie de la rencontre peu souhaitée des différences », puis « déconnexion des flux identitaires incompatibles » et enfin « babélisation des esprits » s'appellera à partir de cette semaine « On se connaît ?» Quand cette expression deviendra à son tour connotée, nous vous indiquerons sa remplaçante dès la sortie du journal officiel. Un heureux dénouement dans le procès qui opposait les mafias albanaises aux associations de défense des enfants. Rappelons que le cartel de Tirana avait attaqué l'association Save the Children pour non-respect des règles de la concurrence. L'ONG avait en effet réussi à convaincre les gouvernements européens d'autoriser le travail des enfants de moins de 6 ans, une mesure qui avait entraîné une baisse soudaine du trafic de mineurs. Heureusement, tout s'est arrangé à l'amiable. Nos chères têtes blondes n'auront plus le droit qu'au travail à mi-temps. Une aubaine pour le cartel, car la demande d'enfants va donc doubler. En échange, le groupe albanais s'est engagé à financer la création de maisons de retraite pour adolescents. Le médiateur, Jörg Constantine, ne cache pas sa satisfaction. Le trafic va augmenter de façon très très forte. Il y a un horizon qui est dégagé, via que la faillite est évitée. Grosso modo, les actionnaires devront mettre un peu la main à la poche, de manière donc à conserver donc la propriété pleine et entière de l'infrastructure qui leur a coûté si cher. Les enfants vont tout de même continuer à travailler. Vous savez, un accord, c'est jamais parfait. Mais enfin, ceci dit, quand vous avez deux énormes sacs de cailloux sur les épaules et que vous savez très bien que c'est la mort assurée, d'avoir le plus gros des sacs qui est supprimé est quand même quelque chose donc d'important. Nouvelle merveille de la technologie, SFR sort aujourd'hui ses nouvelles sonneries de portable à ultrasons pour éloigner les moustiques et agacer les chiens. Technologie toujours, la firme Qkeys invente le porte-clés quantique. Fonctionnant sur le principe de la mécanique du même nom, votre trousseau ne sera perdu, ou non, que quand vous le chercherez. Cela ne signifie pas que vous ne le perdrez pas, mais au moins vous gagnerez du temps à ne pas vous demander où vous l'avez mis. Je crois que c'est ça, mais j'ai perdu l'échantillon. Le soulagement chez les producteurs de crack breton. Selon les derniers résultats de l'enquête, les récents décès de consommateurs ne sont pas dus à la mauvaise qualité du produit, mais à une mauvaise utilisation de la cocaïne artisanale. L'interdiction préfectorale de vente de crack a donc été levée sur tout le département du Finistère. Une victoire pour les producteurs, mais une victoire au goût amer. C'est toute l'image du dealer traditionnel qui est à reconstruire. Erwan Escobar, président des PCP, les producteurs de cocaïne périgourdin. Sur le plan national, c'est la confirmation qu'il n'y avait pas de crainte à avoir. C'est donc un soulagement énorme. Maintenant, sur le plan local, ça justifie d'une position très délicate puisque les professionnels se sont vus interdire la vente de leurs produits de façon visiblement et semble-t-il abusive. Comment faire aujourd'hui pour rétablir la confiance sur le produit? Parce qu'il est évident que la confiance du consommateur n'est pas totalement rétablie, ne le sera pas dans les jours qui viennent. Donc il va bien falloir que d'une façon ou d'une autre, les entreprises qui pratiquent ce commerce soient blanchies. Un véritable progrès dans le délicat problème de gestion des déchets toxiques. Après plusieurs semaines de débats, les Nations Unies sont enfin arrivées à un consensus et c'est la Côte d'Ivoire qui a été élue poubelle du monde. Les citoyens ivoiriens sont invités à quitter le pays avant 10h demain matin. La destination Europe est encouragée puisque la date coïncide avec l'ouverture officielle de la saison de la pêche sportive aux réfugiés. Enfin, sachez que le dernier fumeur en liberté a été abattu cette nuit. Le terroriste qui avait trouvé refuge au sommet du Mont Blanc avait été repéré il y a 2 jours par le satellite européen Geos, alors qu'il allumait une cigarette sans préservatif infrarouge. Le ministre de la Santé intérieure a dû interrompre ses vacances à La Havane pour autoriser le GIGN à appliquer la loi sur l'éradication des fumeurs sauvages. L'homme était un père de famille de 36 ans. Ses 3 enfants ont été abattus ce matin en application du principe de précaution.